La charrette à bœufs. Ces routes à tas de cailloux, où des beaux chevaux de calèche se rencontrent avec des ânes, des percherons, des mulets, où passent carrioles, patache, tape-cul, cabriolet, attelés de bidets pansus, quand c'est pas de rosse bain sèche. Pour moi, c'est des chemins de ville, censément comme des rues, qui s'allongeraient sans fin et n'auraient pas de pavé. C'est tout ce qui roule dessus, crasseux comme bien lavé, de bruit, de forme et de couleur, blesse l'oreille et la vue. Sur ces rubans de terrain des berges, des petites montagnes, menées par des maquignons, des laquais, des monsieur, tout ça se démène, court, trotte, craque du ressort et de l'essieu. Mais tout ça, route, voiture, chevaux, gens, c'est pas la campagne. Dans le sérieux de nos vallons, comparez donc le passage de ce chevaux vêtu d'harnais qu'un ch'tifoué cingle d'affront avec nos bœufs tout nus qui n'ont que le joug au front. Eux et moi que je les mène, on se mêle au paysage. Parlez-moi de ma charrette entre les cuisses de verdure, montée, il semblerait, sur deux meules de moulin, couleur de terre et d'arbre, et dont le gros moyeu se plaint, si doucement que ça m'en berce, comme un chant de la nature. Vive la voiture à bœufs, qu'une aiguillade conduit, dont l'herbe, l'ornière, la boue étouffe en vaste le bruit, qui prend le roulé câlin de ces deux lentes bêtes qu'amusent. Il s'en va comme l'eau calme et les bons nuages s'en vont. C'est le vrai char de nos plaines, de nos marais et de nos fonds, tout comme leur seule musique est celle des cornemuses. Maurice Rollinat, Paysages et paysans, 1899. Lu par Sabine, pour Audiocité, sous la licence Art Libre.